Un crime par Henri Gréville. Chapitre 1er. La place de Chancet dormait au soleil dans l'engourdissement de la grosse chaleur. Les maisons closes, les fenêtres fermées, que les rideaux blancs soigneusement croisés rendaient impénétrables au regard. Les portes des granges ajustées et cadenassées, et même les charrettes dételées, dont les brancards se levaient au ciel comme les bras d'un dormeur mal éveillé qui s'étire longuement. Tout exhalait une impression de sieste et de béate paresse. Chancet était en tout temps un village paisible, aussi loin que remontaient les souvenirs des plus vieux habitants. Rien d'extraordinaire n'y était jamais arrivé. La mer avait beau venir hurler au pied des roches curieusement déchiquetées, les Chansois n'avaient point de barque, n'ayant point de port. En coupant au flanc de la falaise la haute fougère qui leur sert de combustible, ils se contentaient de hocher la tête au passage des voiles téméraires qui se hasardaient au large par le gros temps. Ce n'est pas eux qu'on aurait pris à risquer leurs biens ou leurs personnes en quelque aventure périlleuse. De père en fils, les Chansois se transmettaient les principes d'économie et de sagesse avec lesquels, sauf un cas de mal maladie, on est assuré de vivre vieux et de mourir dans l'aisance. À Chancet, on se querellait peu et l'on ne se battait pas. Les garçonnets eux-mêmes, sur le seuil de l'école, échangeaient parfois des injures, mais jamais de horions. L'instinct de la tranquillité qui fait vivre longtemps, sans user beaucoup d'amis, était assez fort en eux pour apaiser promptement leurs dissensions enfantines, qui, ailleurs, eussent probablement dégénéré en rixes turbulentes. Ils se montraient assez volontiers le point, mais on n'avait pas ouï dire que les choses eussent jamais été poussées plus avant. Les journaux pénétraient pourtant dans ce lieu reculé. Il en arrivait même deux, chaque jeudi et chaque dimanche, l'un réactionnaire pour le curé, l'autre radical pour le maire. Mais la politique elle-même ne pouvait troubler la sécurité qu'imposait aux habitants l'atmosphère particulière de Chancet. On lisait le journal uniquement pour connaître les ventes de biens meubles et immeubles, la gazette des foires et marchés, et parfois, mais rarement, les faits divers de l'arrondissement. C'est dans cette paix somnolente qu'étaient nés, puis morts, tous les Chansois depuis les temps les plus reculés, alors qu'un homme aventureux était venu bâtir sur la plaine la première maison du village. Elle existait encore, cette maison historique, construite en pierre grise du pays, recouverte en lourds feuillets de schiste bleu pâle, elle portait, profondément gravée dans l'entablement, au-dessus de la porte, des lettres à l'apparence cabalistique, F.B.P. Marin Bonamy, 1617, ce qui signifiait « fait bâtir par Marin Bonamy ». Qui était ce fondateur? On l'ignorait. Le village, on le voit, n'était pas vieux. 2 siècles et demi seulement. Et déjà personne ne pouvait plus dire ce qu'il y avait eu sur la falaise avant qu'on y vît une église. Les savants étaient venus, affirmant qu'on devait y retrouver des vestiges de camps romains. D'autres avaient assuré qu'il y avait jadis existé des menhirs. Les Chansois ne savaient rien. Marin Bonamy n'avait point laissé de légende. Il avait pourtant laissé une postérité. De père en fils, la maison de pierre grise avait allumé, le soir, sur la falaise, la petite fenêtre qui regardait la mer. Les pêcheurs qui regagnaient leur havre ou qui s'en allaient à l'heure du crépuscule tendre leurs lignes sur le banc de rochers à fleur de marée basse, qui rendait la côte si dangereuse, se servaient de la fenêtre comme d'un amer pour retrouver la passe et les courants. Parfois la fenêtre luisait comme un feu de forge. C'était lorsque la femme Bonamy, jeune ou vieille, suivant le hasard des années, jetait dans l'âtre de grandes branches d'ajonc sec, dont la flamme montait dans la cheminée, emplissant la maison de lueurs dansantes et joyeuses. Le lait tremblait alors dans l'énorme chaudron de cuivre où se préparait, jadis avec du son, depuis un siècle avec des pommes de terre, la pâture des bêtes. La vapeur s'enroulait en volute au milieu de la fumée, et les petits Bonamy, assis près de l'âtre, les mains sur les genoux, regardaient bouillir le chaudron. Les femmes Bonamy s'en étaient allées les unes après les autres dormir dans le cimetière. Puis les Bonamy s'étaient éparpillés un peu partout, faute d'espace, et aussi par le hasard des mariages qui avaient emmené les filles vers d'autres coins de famille. La dernière tombe, la plus fraîche, était près de la petite porte de l'église, entourée d'une balustrade de bois peinte en noir, une croix blanche semée de larmes noires disparaissait presque sous un rosier blanc qui faisait pleuvoir de mai à novembre une avalanche de petites roses parfumées sur le nom de Victoire Bonamy, morte à 16 ans. Le soleil du midi tombait à pic sur le rosier, mettant en lumière toutes les roses et creusant un trou sombre à la tête de la croix, là où se voyait le nom. Le dernier Bonamy vivant coupait çà et là du bois mort aux branches de l'arbuste et laissait choir autour de lui l'averse de pétales effeuillés que provoquait la secousse régulière de son couteau. C'était un beau garçon de 25 ans. Il avait la structure ferme, pour ainsi dire tassée, de sa race et en particulier de sa famille. Il paraissait peut-être un peu plus âgé que ses années, mais à 40 ans, il n'aurait presque pas changé. Les yeux bleus, fermes et francs, devaient seuls prendre une expression différente. Ce jour-là, ils étaient étonnamment jeunes et brillants. Marin, dernier du nom, n'avait plus personne de son sang. Sa sœur Victoire, dont il soignait la tombe avec une attention tendre et infatigable, était morte 10 ans auparavant, d'une façon mystérieuse. Sans maladie connue, elle avait dépéri, puis elle s'était éteinte. Personne n'avait su ni n'avait demandé pourquoi. Marin, très jeune alors et plus développé de la vie du corps que celle du cœur, l'avait beaucoup pleuré. Orphelins, ils étaient l'un pour l'autre tout ce que peuvent être deux enfants, qui n'ont que pour s'entraîner. Il affectionnait entre tous les endroits du pays le cimetière, plein de soleil et de mouches bourdonnantes. Le rosier qu'il avait planté lui semblait l'été un ami, auquel il confiait ses idées, et il le soignait comme il le fait d'un enfant que l'on encourage ou qu'on le redresse. Depuis bien des années, Marin ne pleurait plus sur sa sœur, mais il l'aimait toujours, et près de sa tombe, il croyait parfois ne l'avoir point perdue. Bien plus, il lui semblait souvent que si quelque chose lui arrivait jamais, ce serait là, près de cette croix, parmi les roses blanches, qu'apparaîtrait l'événement de sa vie. Les roses fanées gisaient toutes dans l'herbe, avec les pousses gourmandes que Marin venait d'émonder. Il avait refermé son couteau et l'avait remis dans sa poche, et pourtant, il restait pénétré d'on ne sait quelle douceur secrète. Tout sentait bon autour de lui, l'air était chaud et fortifiant, et là, au milieu des siens, endormi, il ne se sentait pas seul. La petite porte du cimetière grinça sur ses gonds, s'ouvrit et retomba. Marin leva les yeux et resta immobile. Était sa destinée qui venait le trouver près du rosier de Victoire. C'était une toute mignonne fillette de 16 ou 17 ans à peine, mince et bien prise dans sa petite taille. Ses cheveux frisottants formaient une nimbe à son joli visage mutin. Elle cachait ses deux mains sous son tablier et se dirigeait vers l'église, dont la porte ouverte laissait sortir une bonne odeur de cire et d'encens. Le cimetière était planté de pommiers. Qui buvait le cidre de ces pommes? Le bedeau, peut-être. Marin ne s'en était jamais informé. Les tombes étaient aussi bien sous les pommiers qu'au grand soleil, et la récolte ne faisait de mal à personne, n'est-ce pas? Au moment où la fillette allait entrer sous le porche béant, une pomme verte tomba sur une pierre avec un bruit qui fit envoler une nuée de petits insectes effrayés. La jeune fille tressaillit, tourna la tête, et sembla s'apercevoir seulement alors qu'elle n'était pas seule dans le cimetière. « Monique !» dit doucement Marin. Elle s'arrêta et fit un mouvement indécis vers lui. « Monique !» répéta le jeune homme. « Viens ici !»« Tu ne peux pas venir, toi » dit-elle, « si tu as à me parler ?»« Non, viens-toi !» Elle fit une petite moue. Ses yeux qui riaient interrogèrent le ciel, puis le porche, puis les tombes voisines, et enfin s'arrêtèrent sur Marin. Elle rougit et fit vers lui 2 pas. « Bien, » insista le jeune homme, « j'ai quelque chose à te dire. » Elle s'avança, avec une sorte de confusion, les mains toujours nouées sous son tablier. Quand elle fut tout près de lui, elle le regarda et s'arrêta net, comme si elle avait reçu un choc. Marin avait posé sa main droite sur la balustrade de bois. De sa main gauche, il attira la jeune fille vers lui. Et tout à coup, se penchant vers elle, il l'embrassa longuement, avec une sorte d'extase. Quand il détacha ses lèvres de celles de Monique, il était tout pâle, elle toute rouge. « Je ne savais pas que je t'aimais comme cela, » dit-il, sans quitter la balustrade. « Je l'ai senti tout à l'heure, quand tu es entrée. » Monique sourit et baissa la tête. Elle le savait depuis longtemps. Marin la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue, et en effet, telle qu'elle lui apparaissait ce jour-là, il la voyait pour la première fois. Détachant ses yeux du visage presque enfantin qui lui révélait une vie nouvelle, il regarda la croix où se lisait le nom et l'âge de Victoire. « Quel âge as-tu » demanda-t-il. « 17 ans. « Comme tu es mignonne. « On est ce que l'on peut, » répondit-elle d'un ton fâché. « J'aime cela, » fit-il avec douceur. Elle lui sourit. Monique aimait les louanges, et au village, où c'est une qualité d'être gros et grand, elle ne récoltait guère que des railleries pour sa gracieuse petitesse. Il la regarda encore, et comme s'il voulait retrouver l'ivresse de ce baiser, le premier qu'il lui eût jamais donné, il se pencha vers elle, mais se ravisant, il tira son couteau et coupa une branche de rose blanche qui était encore en bouton. « Tiens, dit-il, ce sont des roses de victoire. » Il hésita, cherchant à formuler sa pensée. Mais, habitué à vivre seul, il ne savait ni les belles phrases, ni les détails élégants. « Ce sont les roses de victoire, » répéta Marin. « Et alors, tu comprends que c'est pour nous marier ?» Les yeux de Monique se levèrent vers lui avec une interrogation joyeuse, puis se détournèrent, car ceux du jeune homme la troublaient. « Tu veux bien, dit, » insista-t-il, voyant qu'elle ne répondait pas. Il ne pouvait voir son visage, car elle regardait du côté de l'église, mais il vit les petites oreilles devenir toutes rouges. « Je veux bien, » dit-elle à voix basse, « je ne sais pas si maman voudra. »« Allons lui demander, » fit tranquillement le marin, comme s'il s'agissait d'une chose ordinaire de la vie. Monique avait fait un pas. Il la retint par sa manche et la ramena vers la croix. « Baise la place, » dit-il en indiquant le nom de sa sœur, « et je la baiserai après. » La jeune fille obéit, pendant qu'il tenait relever les roses qui auraient pu lui égratigner le visage. Il posa ses lèvres à l'endroit où elle avait posé les siennes, puis la regarda avec une émotion profonde. Elle tenait à la main la branche de rose qu'il venait de lui donner. Il la reprit, et d'un geste à la fois chaste et hardi, il l'enfonça dans l'entrebâillement du fichu, sans même effleurer le corsage de Monique. « C'est le bouquet de la mariée, » dit-il en souriant avec un air de joie indicible. Elle tourna vers lui son joli visage rieur et l'embrassa pour la seconde fois. « Allons, » dit-il, « donne ta main. Que ta mère le veuille ou non, nous sommes accordés, et c'est pour la vie à présent que nous avons baisé la croix de victoire. » Ils sortirent du petit cimetière en se donnant la main, sous le soleil triomphant, dans la joie de juillet, pendant que les insectes dorés dansaient en bourdonnant autour des roses épanouies.